C'était alors qu'elle eût été à sa place. L'occasion était belle, et j'eus quelques tentations d'en profiter. Le contentement que je voyais dans les yeux d'Anet, revenant chargé de plantes nouvelles, me mit deux ou trois fois sur le point d'aller herboriser avec lui. Je suis presque assuré que s'il avait été une seule fois, cela m'aurait gagné, et je serais peut-être aujourd'hui un grand botaniste. Car je connais point d'études au monde qui s'associent mieux avec mes goûts naturels que celles des plantes. Et la vie que je mène depuis 10 ans à la campagne n'est guère qu'une arborisation continuelle, à la vérité, sans objet et sans progrès. Mais, n'ayant alors aucune idée de la botanique, je l'avais prise à une sorte de mépris et même de dégoût. Je ne la regardais que comme une étude d'apothicaire. Maman, qui l'aimait, n'en faisait pas elle-même un autre usage. Elle ne recherchait que les plantes usuelles pour les appliquer à ses drogues. Ainsi, la botanique, la chimie et l'anatomie, confondues dans mon esprit sous le nom de médecine, ne servaient qu'à me fournir des sarcasmes plaisants toute la journée et à m'attirer des soufflets de temps en temps. D'ailleurs, un goût différent et au contraire à celui-là croissait par degrés et bientôt absorba tous les autres. Je parle de la musique. Il faut assurément que je sois né pour cet art, puisque j'ai commencé de l'aimer dès mon enfance et qu'il est le seul que j'aimais constamment dans tous les temps. Ce qu'il y a d'étonnant est qu'un art pour lequel j'étais né m'est néanmoins tant coûté de peine à apprendre, et avec des succès si lents qu'après une pratique de toute ma vie, jamais je n'ai pu parvenir à chanter sûrement tout à livre ouvert. Ce qui me rendait surtout alors cette étude agréable était que je la pouvais faire avec maman. Ayant des goûts d'ailleurs fort différents, la musique était pour nous un point de réunion dont j'aimais à faire usage. Elle ne s'y refusait pas. J'étais alors à peu près aussi avancé qu'elle. En 2 ou 3 fois, nous déchiffrions un air. Quelquefois, la voyant empressée autour d'un fourneau, je lui disais « Maman, voici un duo charmant qui m'a bien l'air de faire sentir l'empyrum à vos drogues. » « Ah, par ma foi, me disait-elle, si tu me les fais brûler, je te les ferai manger. » Tout en disputant, je l'entraînais à son clavecin. On s'y oubliait. L'extrait de genièvre ou d'absinthe était calciné. Elle m'embarbouillait le visage, et tout cela était délicieux.